إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on a commencé hier à parler de l'explication, on a expliqué l'importance du tawhid dans la conférence du Cheikh Saleh Al-Fawzan à ce sujet. Et on est arrivé à l'endroit où le Cheikh Al-Fawzan expliquait justement la méthodologie de la da'wah du tawhid. Et il expliquait que lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen, il lui a ordonné de commencer par expliquer à ces gens-là la signification de la ilaha illallah et de les appeler à la ilaha illallah. Donc on va continuer à lire qu'est-ce que le cheikh expliquait justement à ce sujet-là. Il dit « Awwalu shay'in amra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'adhan bid-da'wati ilayhi an yabda'a bihadha al-asl falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah fa'inhum ajabuk aw fa'inhum ata'uk » لذلك أي شهدوا أن لا إله إلا الله واعترفوا بتوحيد بعقيدة التوحيد فحينئذ مرهم بالصلاة مرهم بالزكاة أما بدون أن يقروا بالتوحيد فلا تأمرهم بالصلاة لأنه لا فائدة من الصلاة بدون توحيد ولا فائدة من الزكاة بدون توحيد ولا فائدة من الصيام بدون توحيد ولا فائدة من الحج بدون توحيد ولا فائدة من جميع الأعمال حتى ولو كثرت فإنها لا فائدة منها بدون التوحيد فالله سبحانه وتعالى قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Donc le cheikh explique, il dit que la première chose à laquelle Mu'adh a été ordonné d'appeler les gens, c'est de commencer par cette base, c'est-à-dire que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils témoignent de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'ils t'ordonnent à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'ils ont témoigné de la ilaha illallah et ils ont reconnu la aqida du tawhid, alors à ce moment-là, ordonne-leur de faire la salat et ordonne-leur par la suite la zakat. Mais sans avoir accepté le tawhid, tu ne peux pas leur ordonner de faire la salat. Parce que ça ne servira à rien de faire la salat sans avoir le tawhid. Et ça ne servira à rien non plus de donner de la zakat s'ils n'ont pas accepté le tawhid. Et ça ne servira à rien non plus de faire le jeûne sans avoir accepté le tawhid. Et ça ne servira à rien non plus de faire le hajj sans avoir accepté le tawhid. Et peu importe quelle action qu'ils font, yani, toutes les œuvres, si, même si elles sont très nombreuses, s'ils la font sans avoir accepté le tawhid, alors cette action n'aura aucun intérêt pour eux et ne sera d'aucune utilité pour eux au jour de la résurrection s'ils n'ont pas accepté la ilaha illallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans ce verset-là, et le cheikh il cite ce verset dans le Coran, dans Surat Az-Zumar, le verset 65 à 66, et nous avons certes révélé à toi ainsi qu'à tous les messagers avant toi que si tu commettais le shirk, c'est-à-dire si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commettait le shirk, lui ainsi que ceux qui étaient avant lui, c'est-à-dire parmi les messagers, que tes œuvres auraient été rendues vaines, tes œuvres auraient été nulles, et tu aurais été du nombre des perdants. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul que tu dois adorer, et sois du nombre des reconnaissants. Donc ça c'est un avertissement, et c'est un appel pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et pour tous les messagers, et en même temps c'est un rappel pour nous tous, que si on fait des œuvres, mais que on n'a pas corrigé et clarifié notre tawhid, et que dans nos actions il y a du shirk, eh bien on risque justement de faire en sorte que nos œuvres soient rendues vaines au jour de la résurrection. C'est la preuve de l'importance du tawhid. Le shaykh dit ensuite, قال الله وقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية آدم إلى قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين إلى آخر الآيات. ثم قال تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون بدعوة التوحيد. Donc le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, on voit que dans sourate Al-An'am, du verset 83 au verset 84, il énumère une série de prophètes, de messagers. Et il mentionne donc Ibrahim, et il mentionne également Ishaq, Yaqub, et il mentionne également parmi les descendants de ces prophètes, parmi eux Daoud, Suleyman, Ayoub, Yusuf, Moussa et Haroun alayhi salatu wassalam. Et ensuite donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à la fin de cette énumération là et de cette explication là, il dit juste à la fin que si ils auraient commis le shirk, walaw ashraku لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. C'est-à-dire, si l'un d'entre eux avait commis du shirk, tout ce qu'ils avaient œuvré, tout ce qu'ils avaient fait comme action, aurait été rendu vain. Il n'aurait plus aucune valeur ou ni intérêt. Donc, ça c'est pour montrer encore une fois l'importance du tawhid, en commençant par mentionner l'intérêt des messagers et des prophètes alayhim salat wa salam par rapport au tawhid. Ensuite le shaykh il mentionne, il dit que tous les messagers d'Allah, la première chose à laquelle ils commençaient leur da'wah à chaque fois qu'ils arrivaient à un peuple, ils commençaient toujours par le tawhid, toujours par le tawhid. Et il mentionne justement à ce sujet là des exemples dans plusieurs versets dans le Coran. Il dit قال الله تعالى في نوح عليه السلام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال أيضا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال أيضا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال أيضا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بل إنه سبحانه وتعالى ذكر إجماع الرسل على ذلك في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le cheikh explique que en premier, il mentionne l'exemple de Nuh alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet dans Surat Al-A'raf, verset 59, et nous avons envoyé Nuh à son peuple, et il a dit à son peuple, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui aucune divinité. Et je crains pour vous le jour d'un grand châtiment. Et il mentionne également par la suite le verset 65 dans la même surah. Parce que c'est dans la même surah, Allah subhanahu wa ta'ala, il les énumère les uns après les autres. Et il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Hud au peuple de Ad. Et il leur a dit la même chose. Adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui rien que vous pouvez adorer. C'est-à-dire vous n'avez aucune divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Afala tattaqoul. N'allez-vous donc pas le craindre. Et également le verset 73 par la suite. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Salih au peuple de Samoud. Et il leur a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui aucune divinité. Et la même chose, il a envoyé Shu'aib au peuple de Madian, et il leur a dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez en dehors de lui aucune divinité. Donc, ça c'est pour mentionner l'exemple de chacun de ces messagers-là que Allah a envoyé pour montrer qu'ils ont tous commencé par la da'wa du tawhid. Puis ensuite, le Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le consensus des messagers sur le fait qu'ils ont tous commencé par la da'wa du tawhid dans le verset 36 dans surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et nous avons suscité dans chaque nation un messager pour qu'ils disent à leur peuple, adorez Allah et écartez-vous du tarout. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et écartez-vous du tarout. Et le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe qu'est-ce que ça peut être. Hein? Donc, le cheikh, il mentionne, il dit, ensuite, وَقَالَ أَيْضًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. هذا هو الأساس. هذا هو الأصل. هذه هي القاعدة. فكيف نزهد بهذا الأمر ونغفل عنه ونخطئ من يدعو إليه ويقال إن هذا يفرق بين المسلمين؟ هذا لا يفرق بين المسلمين، بل هذا يجمع كلمة المسلمين، لأن كلمة المسلمين لا تجتمع إلا على التوحيد، ولا يستتب الأمر والأمن والاستقرار إلا على التوحيد. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. للشيخ explique ensuite, il dit le verset 25 dans sourate al-anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous n'avons pas envoyé de messager avant toi, excepté en disant ou en lui révélant de dire, la ilaha illa ana fa'budun, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Alors, comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, rien ne mérite d'être adoré, excepté moi, alors adorez-moi. Et donc ça, c'est le message que les messagers ont transmis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour tous les différents peuples. Et ça c'est la base, et ça c'est le fondement, et ça c'est la règle que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée. C'est ça la base, le principe fondamental de l'islam. Alors pourquoi dans ce cas-là on s'en détourne, ou pourquoi dans ce cas-là on le prend comme si c'était quelque chose qui n'est pas important, ou bien on est indifférent ou insouciant à son sujet? Et pourquoi on dit que la personne qui appelle à cette base, il est dans l'erreur, comme certains le font, et Allah al-Musta'an. Donc, le Cheikh, il mentionne qu'il y a certaines personnes parmi les musulmans aujourd'hui, et en particulier parmi les gens qui suivent des groupes ou des tendances, ils disent que lorsqu'on parle du tawhid, ça divise les musulmans. Hein? Et ils disent que c'est une cause de division, parce que, bien entendu, il y a des gens qui suivent des passions, il y a des gens qui suivent des tendances, et ils ne veulent pas entendre la vérité parfois à ces sujets-là. Et donc, le fait de mentionner ça, eux, ils prétendent que c'est ce qui va diviser les musulmans. Donc, le cheikh, il dit, certains pensent que, ou disent que ça va diviser les musulmans que de parler du tawhid et de la aqida. Et le cheikh, il dit, non, ça ne va pas diviser les musulmans. Bien au contraire, c'est ça qui va réunir la parole des musulmans, s'ils se mettent tous d'accord, justement, sur cette base et sur la vérité. Et sur le tawhid, il n'y a rien en réalité qui peut réunir vraiment les musulmans que justement de se réunir sur la bonne compréhension de la base et de la fondation de leur religion. Hein? Et c'est comme justement on a mentionné hier dans le verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit « قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ ولا نشرك به شيئا Donc, on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux gens du livre, hein, qu'il y a ahl al-kitab, ô vous les gens du livre, venez avec nous à une parole commune, yani, on va se réunir sur une parole commune. Et, il y en a parmi les groupes qu'on a expliqué, certains individus qui veulent appeler donc les gens à se réunir autour de certaines idées, autour de certaines causes, autour de certaines choses qui se produisent dans la Ummah. Comme par exemple, quand il y a un événement, bon, ils appellent les musulmans à se réunir pour cet événement-là. Ou quand il y a un malheur dans le monde musulman, ils appellent les musulmans à se réunir autour de cet événement-là. Comme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe en Palestine, donc ils vont appeler les musulmans à réagir, puis à se réunir autour de cet événement-là. Même si les gens sont tous divisés dans leur aqida, même si tout le monde sont divisés dans au sujet du tawhid ou au sujet des fondements de la religion, ils oublient tout ça, ils disent bon, on va se réunir pour un événement. Et quand le malheur ou l'événement est fini, chacun retourne dans sa position, hein, dans laquelle il était avant le malheur ou avant l'événement. Et ils pensent que c'est de cette manière-là qu'on va unir les musulmans. Ou bien il y en a qui veulent même appeler les juifs et les chrétiens à s'unir sur des événements, des situations ou des causes ou des idées autres que le tawhid. Et ils pensent que kalimatin sawa, ça veut dire on choisit quelque chose, une cause, une parole, quelque chose, puis on se réunit autour de cette parole-là. Et il y en a même qui appellent à l'idée ou au principe, comme les ikhwan ou d'autres tendances également, qui disent par exemple, on s'unit sur les choses sur lesquelles on est d'accord, puis nos divergences on les laisse de côté. Et les choses sur lesquelles on est d'accord, on s'unit dessus, puis les divergences qu'on a, même si c'est dans les fondements de l'islam, même si c'est dans le tawhid, même si c'est au sujet de la sunna, et des bases de la religion, si on diverge là-dessus, on laisse de côté, on s'excuse les uns les autres là-dessus. Puis on se concentre sur les autres choses sur lesquelles on est d'accord. Et si on est d'accord sur husnul khuluq, on est d'accord sur, par exemple, makarim al-akhlaq, on est d'accord sur birrul walidain ou d'autres choses, on s'unit là-dessus. Mais on est en divergence sur le tawhid, on est en divergence sur les questions qui ont rapport avec le fait de croire au messager d'Allah, ou le fait de croire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, les juifs, ils ne reconnaissent pas le prophète Isa alayhi salam, et ils ne reconnaissent pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ne croient pas en l'Injil et en le Coran. C'est pas grave, ça c'est des divergences, on laisse de côté, puis on travaille ensemble sur les choses sur lesquelles on est d'accord. C'est-à-dire on laisse tomber la base de l'islam pour se réunir et se mettre d'accord sur des choses qui sont secondaires, par rapport à la foi. Ou bien, par exemple, on se réunit avec les chrétiens, et malgré que les chrétiens ne croient pas en le Coran et qu'ils ne croient pas en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas grave. On se réunit sur les choses sur lesquelles on est d'accord, en dehors de ces choses-là. Ça, c'est des questions de divergence, on les laisse de côté. Et la même chose également, ils veulent l'appliquer avec les différentes sectes et les différents groupes d'égarements qui prétendent ou qui disent qu'ils appartiennent à la Ummah de l'Islam. Comme par exemple avec les Rafida, qui insultent les Sahaba, qui insultent les mères des croyants, et qui par exemple vont pratiquer différentes formes de shirk et adorer les morts. C'est pas grave, ça c'est des divergences, on laisse de côté. Et on se réunit sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Et ainsi de suite, ils font la même chose avec tous les autres groupes d'égarements et toutes les autres sectes. Et ça, bien entendu, lorsqu'ils font ça, c'est-à-dire qu'ils détruisent même la base de la religion de l'islam. Et ils s'écartent de ce qui est de plus important dans l'islam, c'est-à-dire le tawhid et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme justement un frère m'a mentionné justement hier, après avoir écouté la conférence, il disait, subhanallah, aujourd'hui on appelle les gens, les juifs et les chrétiens à s'unir avec les musulmans sur des choses, alors que même entre nous, les musulmans, à travers la Ummah, on n'est même pas encore d'accord pour s'unir sur la définition du tawhid et sur les fondements de la religion. Donc il faut bien entendu commencer à s'unir entre nous, c'est-à-dire les musulmans, sur la parole du tawhid et sur les bases de l'islam, pour que par la suite on soit capable d'appeler les juifs et les chrétiens justement à cette parole commune qui est celle de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit, il ne peut pas y avoir d'unité réelle, excepté sur le tawhid. Sinon, ce sera une unité qui va être temporaire, ou une unité qui va être sur quelque chose de futile, ou sur quelque chose de faible, sur autre que la fondation. Et c'est-à-dire que cette unité-là, au moindre vent, au moindre tremblement, elle va se défaire, elle va s'écrouler. Ce ne sera pas une unité basée sur quelque chose de solide. Et donc, le cheikh, il dit que il n'y a pas de tranquillité, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de stabilité non plus, excepté sur le tawhid. Et il mentionne le grand verset qui est mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala dans la surah Nour, le verset 55, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres, qu'il allait leur donner la succession sur la terre, comme il l'a donné à ceux qui étaient avant eux. Et qu'il allait leur donner la force, hein, et la stabilité et la force par la suite à leur religion, qu'il a agréé pour eux, et qu'il allait changer leur état de crainte en un état de sécurité. Et il mentionne par la suite la condition de ça. Il dit, Ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Ils m'adorent, hein, et ils n'associent rien avec moi. Donc, c'est-à-dire, ça c'est une condition. Ça c'est la condition fondamentale. Et si on veut régler tous nos autres problèmes, il faut commencer par régler notre problème au sujet des bases de notre religion. Et le cheikh il dit, وَبِهَذَا الشَّرْطِ وَهَذَا الْأَسَاسِ وَهَذِي الْمَطَالِبَ الْعَظِيمَةِ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا فلا تجتمع كلمة الأمة ولا تصح ولا يصح بناء الأمة إلا على كلمة التوحيد وعلى عقيدة التوحيد الصحيحة. أما إذا دخل الشرك وتفشت البدع والخرافات ولم تنكر وقيل اتركوا الناس أحرار وعقائدهم اتركوا الناس أحرار في عقائدهم اتركوهم لا تنفروهم هذا يحصل هنا يحصل الاختلاف ويحصل التفرق ويدخل الشيطان بين صفوف المسلمين فيفرق جماعتهم وهذا هو الواقع. Le cheikh dit donc, ça c'est la condition que Allah a mentionné. يعبدونني لا يشركون بشيء. Ils m'adorent et ils n'associent rien avec moi. Et c'est avec cette condition là et c'est sur cette base là qu'il y aura l'unité et qu'il peut y avoir l'unité seulement. Donc ce sont des choses, des grandes exigences de la foi, et ces exigences, elles ne peuvent être réalisées que après avoir établi l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, et après avoir rejeté toute forme de shirk, ou avoir rejeté toute forme de partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Il m'adore moi, et il n'associe rien avec moi dans l'adoration. Donc on ne peut unir la Ummah que sur ça. Et on ne peut fonder quoi que ce soit, et on ne peut bâtir quoi que ce soit dans la Ummah, excepté si c'est basé sur la parole du Tawhid et sur une bonne compréhension de la Aqidah du Tawhid. Mais s'il y a du shirk qui rentre, et que les bid'ah commencent à se propager, ainsi que les superstitions et les autres choses, et qu'on ne les dénonce pas et qu'on ne les condamne pas, et qu'on dit aux gens, tout le monde est libre, tout le monde peut croire en ce qu'il veut, tout le monde est libre, ne les faites pas fuir. Ça c'est souvent une excuse que certains utilisent parfois pour faire continuer l'égarement et continuer l'ignorance et continuer les innovations et faire continuer le shirk. Ils disent non, il ne faut pas leur parler. Attendez, il faut y aller doucement, doucement. Il ne faut pas les faire fuir les gens. Et ils restent comme ça pendant des années, des années, des années. Et puis ils corrigent jamais la situation et ils changent jamais la situation. Et il y a des gens comme ça dans certains endroits, tu les vois, ils pratiquent des bid'ahs, ils pratiquent des égarements et des innovations pendant des années, et sous prétexte qu'ils ont peur de faire fuir ceux qui pourraient être choqués si on changeait ces innovations ou ces égarements-là, sous prétexte de ne pas vouloir les faire fuir ou de ne pas vouloir les choquer, la personne continue à accepter ces choses-là et à les pratiquer et à les faire, et il laisse les gens dans l'ignorance et dans l'égarement. Et ça, c'est une des causes pour laquelle la bid'a se propage encore plus et continue à persévérer dans les différentes mosquées, dans les différentes sociétés, dans les différents quartiers, dans les différentes villes et dans les différents pays, sous prétexte qu'on ne veut pas faire fuir les gens. Et donc c'est comme ça que rentre donc la divergence et la division, et que le shaitan rentre entre les rangs des musulmans et que la division rentre entre eux. Donc ça c'est la réalité de ce qui se produit. Et qu'est-ce qui se passe? La raison de pourquoi cette division-là arrive aujourd'hui, justement, c'est parce qu'on s'est éloigné de la base. Donc, en fait, c'est que si on regarde à l'époque des Sahaba, les gens étaient réunis sur la vérité. Et la division s'est infiltrée dans la Umma au fur et à mesure que les gens se sont éloignés de cette base. Et que les gens se sont éloignés de ces fondements-là. Il n'y avait pas de division. Mais petit à petit, elle est rentrée avec les jeunes bid'ah, avec les innovations, avec les égarements. Puis, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Comme on a dit, c'est la division qui s'est infiltrée. Et là, les gens se sont habitués, par la suite, à toutes sortes de bid'ah, toutes sortes d'égarements qui se sont établis par la suite dans la Umma. Maintenant, quand quelqu'un arrive et il appelle à corriger ses erreurs, corriger les égarements qui se sont établis, qu'est-ce qui arrive? Les gens arrivent et disent « Ah, mais lui, il nous ramène une nouvelle religion. Lui, il nous amène des choses qu'on n'a jamais connues. » Pourquoi? Parce que la sunna, pour les gens maintenant, elle est devenue quelque chose d'autre. Pour eux, quand ils voient la sunna, ils pensent que c'est nouveau. Ils pensent que c'est une bid'a. Et quand ils voient la bid'a, pour eux, ils pensent que c'est ça qui est normal. Ils pensent que c'est ça la sunna. Donc quand tu leur viens avec la sunna, étant donné qu'ils ne l'ont jamais connue ou qu'ils n'ont pas connu certains aspects de la sunna, ils s'imaginent que c'est quelque chose qui est nouveau et qui est contraire. Et c'est ça le malheur maintenant. وَأَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلًا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ هَذِهِ الْبِلَادِ كَانَتْ قَبْلَ دَعْوَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى التَّوْحِيدِ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً كُلُّ قَرْيَةٍ لَهَا أَمِيرٌ وَكُلُّ قَرْيَةٍ تُحَارِبُ الْقَرْيَةَ الْأُخْرَى بَلْ ذَكَرَ التَّارِيخُ أَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ يَتَقَاتَلُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ كُلُّ جَانِبٍ مِنَ الْقَرْيَةِ يُحَارِبُ الْجَانِبَ الثَّانِي سلب ونهب وقتل وقتيل كل قرية فيها حاكم وكل قرية فيها أمير وكل قرية لا تخضع للأخرى فلما جاء الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة المباركة على يد هذا الرجل الصالح المصلح اتحدت أو توحدت البلاد وصارت تحت قيادة واحدة وصارت لها دولة قامت على الدين وعلى التوحيد ولا تزال ولله الحمد وهذا لأنها أسست على التوحيد ولكن قبل أن يؤسس التوحيد في البلاد كانت متفرقة وكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار وكان السحرة يعملون عملهم بين الناس وكان المشعوذون يتجولون في القرى ويخرجون ويخربون عقائد الناس وكان الحكم عند القبائل بالعادات الجاهلية ولا يحكم بالشرع ولا هناك عقيدة صحيحة ولا اجتماع فلما جاء الله بهذا النور وبهذه الدعوة المباركة توحدت البلاد واطمأن العباد وأقيمت الحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصار المسلمون إخوة وهذا كله ببركة عقيدة التوحيد الصالحة الصحيحة وهذا نموذج قريب. Donc le cheikh explique que il dit je vais vous donner un exemple par rapport à ce pays, et pas bien entendu de l'Arabie Saoudite. Il dit, avant la venue de la da'wah du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avant qu'il vienne pour appeler au Tawhid, il dit, les gens étaient tous divisés. Chaque ville, ou chaque village, il avait son amir, son dirigeant, et chaque village, ou chaque ville, faisait la guerre à l'autre. Et même des fois que, il dit, l'histoire a même mentionné que, même les gens d'une d'une même ville, parfois ils se combattaient les uns les autres entre eux. Hein? Et chaque côté de la ville combattait l'autre partie de la ville. Et donc il y avait des enlèvements, il y avait des meurtres, il y avait des tueries, il y avait toutes sortes de problèmes comme ça dans la société. Et chaque quartier ou chaque ville avait un dirigeant, hein? Chaque ville avait un amir, et chacun refusait de se soumettre à l'autre. Lorsque l'islam est venu, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir cette da'wah, al-mubaraka, hein, par la main de cet homme qui était un homme pieux, qui était un réformateur, eh bien, on a vu que le pays s'est uni. Et que, hein, par la suite, donc, il y a eu cet état qui a été établi, et il a été établi parce qu'il a été établi sur cette religion et sur le tawhid. Et il continue par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi. Il a été établi sur le tawhid. Mais avant d'être établi sur le tawhid, auparavant, les gens étaient tous divisés. Et ils cherchaient la baraka dans les arbres, dans les pierres. Hein, et les sorciers, les magiciens, ils se promenaient librement dans la société. Comme ça se passe maintenant dans certains pays musulmans, Allah al-Musta'an. Hein, comme une fois je suis allé dans un pays en Afrique de l'Ouest. Hein, et puis on marchait dans le souk et tu vois normalement les sorciers qui vendent des bêtes mortes séchées et des têtes d'animaux bizarres, hein, et ils vendent ça dans le sorcier et dans le souk. Et j'ai demandé à un frère, j'ai dit subhanallah, et ça sentait mauvais. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il vend celui-là, qu'est-ce que les gens vont faire avec ces choses-là qu'on voit dans le souk. Il a dit ça, c'est des choses que les gens vendent pour faire du sihr. Et les gens viennent acheter ça pour utiliser ça pour faire du sihr. Donc ça veut dire qu'ils vendent ces choses-là librement, hein, et ouvertement, alors que tout le monde sait qu'est-ce que ces choses-là, à quoi ces choses-là servent, hein. Et donc on sait dans l'islam la punition pour les gens qui font du sihr, hein, et de la sorcellerie. Donc c'est ça ce que le cheikh est en train d'expliquer. Il dit avant la da'wa du tawhid, les gens vendaient ça librement, hein, et ouvertement dans les assoirs, et il y a des sorciers qui pratiquaient ça normalement. Il y a des charlatans qui, hein, étaient partout dans la ville, hein, des diseurs de bonne aventure ou d'autres choses. Il y en a des gens qui prétendent connaître l'avenir, ainsi de suite. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient détruire la croyance des gens. Et entre les tribus, les gens ils jugeaient selon quoi? Les gens ils jugeaient selon leur tradition de la jahiliya. Ils ne jugeaient pas selon la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Quand il y avait un problème ou un litige ou n'importe quel autre problème entre les gens, ils réglaient ça selon les lois et les règles de la jahiliya et non pas selon les règles et lois et les lois de la charia. Et donc, ils n'avaient pas non plus de aqidah qui était établie et qui était correcte qui les réunissait. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait venir donc cette lumière avec cette da'wah, eh bien, les gens ont pu se réunir et les serviteurs ont pu être, hein, apaisés et calmés par la suite. Et les peines, hein, ont été établies sur ceux qui commettaient des crimes ou qui commettaient des injustices. Et on a ordonné le bien et on a interdit le mal. Et les musulmans sont devenus comme des frères. Hein, ils ont été unis par ça. Tout ça, ça a été la bénédiction et le fruit de l'aqida du tawhid. Hein. Et ça c'est juste donc un exemple, hein, pour rapprocher, pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et ça peut être le cas, hein, dans tous les pays musulmans si les gens s'accrochent au ilm et au tawhid et qu'ils commencent à enseigner et à prêcher et à éduquer, hein, ses proches et à essayer de réformer petit à petit la société et les choses changent. Mais c'est normal qu'il faut qu'il y ait de la da'wah. Des fois il y a des frères qui disent bon moi je veux faire la hijra, je veux quitter les pays des koufars et des mouchriquins pour aller vivre dans les pays des musulmans. Et une fois arrivé là-bas, des fois ils disent bon ça y est, maintenant je suis correct. Mais c'est s'imaginer que une fois arrivé là-bas la société tout va être parfait. Non, c'est pas le cas, il y a du travail à faire et c'est pour ça qu'il faut se corriger soi-même. Hein, et essayer, inshallah, de réformer la société qui est autour de nous. Hein, parce que peu importe la situation et l'état de la société dans laquelle on va aller, si on fait la hijra, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à corriger, beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à changer, hein, et ça, ça vient avec le ilm, et ça vient avec la da'wa, et avec la patience, et avec la réforme, hein. Petit à petit, les choses s'améliorent et changent. Donc, ça c'est l'exemple que le cheikh il nous donne. Et il dit ensuite, وإلا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كان العرب متفرقين مشتتين ثارات وغارات بين القبائل فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى التوحيد واستجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم توحدوا وصاروا قوة هائلة في الأرض سادت العباد والبلاد ذكرهم الله تعالى في قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Donc le cheikh il dit, même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la venue du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'était la même chose. Les Arabes étaient tous divisés, hein, et ils se combattaient tous, les tribus l'une contre l'autre, hein, et c'était des guerres infinissables et interminables. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la da'wa du tawhid, hein, il les a tous réunis donc sur le tawhid. Lorsqu'ils ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont unis et ils sont devenus une force, hein, une force, une grande force par la suite sur la terre, et ils ont diriger les serviteurs et les différentes contrées, les différents pays. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans surat Al-Imran, verset 103, dans lequel il dit, et souvenez-vous de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous lorsque vous étiez des ennemis, et Allah subhanahu wa ta'ala a réuni vos cœurs, hein, et vous êtes donc devenus par sa grâce des frères. Et vous étiez sur, hein, le bord d'une falaise, hein, au bord d'un gouffre de feu, et Allah subhanahu wa ta'ala vous en a sauvé, hein. Vous êtes devenus des frères, comment? Avec la croyance au tawhid, avec la aqida, avec l'iman, c'est ainsi que vous êtes devenus des frères. Donc le cheikh il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala bayyana ma kanat halatuhum alayhi قبل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانت عليه بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم واستجابتهم له وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ويقول سبحانه وتعالى ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كانوا من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين وكانوا مطمعا للشعوب الأخرى كانت تسيطر على العرب وعلى جزيرة العرب الشعوب الأخرى فارس والروم وكل دولة من دول الأعاجم كان لها نصيب في جزيرة العرب فلما جاء الإسلام ودخلوا في دين الله وانعكس الأمر فصارت جزيرة العرب تسيطر على العالم وامتدت الفتوح وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا والإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة Le cheikh il explique par la suite que yani Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié l'état dans lequel étaient les Arabes avant la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce verset qu'on a lu tout à l'heure, le verset 103 dans surat Al-Imran, et comment était leur état avant qu'ils répondent à cet appel. Il dit, vous étiez sur le bord d'une falaise, d'un gouffre de feu, et Allah vous en a sauvé. C'est ainsi qu'Allah clarifie pour vous ces signes, pour que vous puissiez être guidés. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 164, dans surat Al-Imran, et Allah subhanahu wa ta'ala fait la faveur aux croyants, en envoyant parmi eux un messager d'eux-mêmes, qui leur récite hein, ses signes, et qu'il les purifie et qu'il leur enseigne le livre et la sagesse, même si auparavant ils étaient dans un grand égarement, dans un égarement évident. Donc avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient dans un égarement évident. Et toutes les différentes nations et les différents peuples, hein, avaient tous, hein, un espoir ou un intérêt d'essayer de gérer la péninsule arabe à l'époque. Les Perses essayaient d'avoir une influence sur cette partie du monde, de même que les Romains également essayaient d'avoir une influence sur cette partie du monde. Donc chacun de ces pays-là ou de ces empires essayait donc de gérer une partie de la péninsule arabe. Et lorsque l'islam est venu et que les gens sont rentrés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, la situation s'est inversée. Et au lieu que ce soit les civilisations ou les nations et les empires extérieurs qui aient une influence sur la péninsule arabe, c'est devenu le contraire. C'est devenu que les autres empires, hein, sont tombés et maintenant ils étaient sous, hein, l'autorité de la péninsule arabe par la suite. Hein, et après on sait qu'il y a eu les grandes conquêtes et que l'islam s'est propagé et que les gens sont rentrés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala par groupe. Hein. Et donc l'imam Malik rahimahullah, il dit qu'on ne pourra réformer la fin de cette umma excepté en suivant ou en s'accrochant à ce que les premiers de cette umma ont utilisé pour faire la réforme à leur époque. Donc si on veut réformer aujourd'hui, on doit utiliser les mêmes choses qui ont été utilisées et qui ont servi à réformer les premiers de cette umma. Hein, on peut pas réformer la umma aujourd'hui par autre chose que par ce qui a été utilisé par les premiers de cette umma, c'est-à-dire par le tawhid, c'est-à-dire par la sunna, ainsi de suite. Et donc le cheikh dit, فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَنْ تُرِدُ الْإِجْتِمَاعِ, parce qu'on voit maintenant que il y a beaucoup de tentatives qui sont faites de la part des musulmans et de la part des pays musulmans de se réunir et de faire des comités, de faire des ligues mondiales, de faire toutes sortes de différentes associations et organisations pour essayer d'unir les musulmans. Et on voit que ces tentatives, souvent, elles ont échoué, justement parce qu'ils refusent d'admettre qu'à la base, le problème est dans la aqida des musulmans. Et que si on ne corrige pas la aqida, il n'y aura pas d'union, il n'y aura pas de solution. Et donc, on ne pourra pas réformer cette umma aujourd'hui, excepté si on suit l'exemple de qu'est-ce qui a été utilisé pour réformer les premiers de cette umma. Et c'est pour ça que le cheikh dit, فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْآنَ تُرِيدُ الْإِجْتِمَاعِ وَتُرِيدُ الْقُوَّةِ وَتُرِيدُ الْإِتِلَافِ فَإِنَّهُ لَا يُصْلِحُهَا إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا وَهَذَا وَالَّذِي أَصْلَحَ أَوَّلَهَا هُوَ التَّوْحِيدُ وَلَا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا التَّوْحِيدُ وَالْإِجْتِمَاعُ عَلَى كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَعَلَى كَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول الله وهذا هو الذي يجمع الأمة العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. Le cheikh il explique donc que si cette umma veut l'unité et l'union et qu'elle veut la force et qu'elle veut le rassemblement, il n'y a rien qui va être capable de réformer la situation de cette umma aujourd'hui excepté ce qui a réformé la première partie de cette umma. Et les premiers de cette umma, et ceux qui l'ont réformé, c'était le tawhid, comme on l'a dit. Hein? Et donc, c'est ce qui peut être utilisé pour les réunir. La parole du tawhid, la parole de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Et quand on dit ça, là maintenant, c'est juste pour faire comprendre le problème à la base, qu'est-ce qu'il est, et comment trouver la solution à ce problème. La solution, elle est là déjà, on n'a pas à aller chercher loin. Mais il faut juste l'apprendre, ce tawhid, et l'étudier, et ensuite l'enseigner et l'appliquer. Hein? Et bien entendu, c'est sûr que c'est pas dans une conférence que vous allez être capable de, disons, comprendre tout ce que peut signifier ou tout ce que peut impliquer le tawhid. Parce que le tawhid est un sujet très vaste, très long à comprendre et très long à étudier. c'est pas quelque chose qui s'apprend en une heure ou deux. C'est cette conférence, c'est pas une conférence pour vous enseigner le tawhid. C'est une conférence pour vous faire comprendre seulement l'importance du tawhid. Parce que le tawhid lui-même, il est beaucoup plus long, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus compliqué et beaucoup plus approfondi. Et donc, pour apprendre et comprendre le tawhid correctement, il faut que, après cette conférence, avant et après, les frères qui sont responsables de faire de la da'wah et de faire de l'enseignement dans cette mosquée et dans les autres mosquées, se mettent à enseigner les livres qui sont consacrés au tawhid. Dans cette mosquée, dans les autres mosquées, et de vous enseigner les différents chapitres et les différents livres qui traitent du tawhid en détail et en profondeur pour comprendre tout ce que ça peut impliquer. Et juste pour vous donner l'exemple, par exemple, de Kitab al-Tawhid, c'est un livre qui a été écrit uniquement sur le tawhid, et en particulier Tawhid al-Ibadah, le tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien ce livre-là seulement, il contient 68 chapitres. 68 chapitres sur le tawhid, et chacun de ces chapitres traite d'un sujet qui a rapport avec le tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si un seul livre qui rapporte les hadiths et les versets du Coran qui traite du tawhid dans l'adoration seulement contient 68 chapitres, et que pour l'étudier, donc pour le comprendre correctement, il faut inshallah essayer de l'étudier et de le comprendre correctement. Eh bien, donc, imaginez dans ce cas-là que le tawhid, c'est pas juste de prendre une heure ou deux pour entendre une conférence sur ce sujet. C'est quelque chose qui demande une éducation, en fait. Une éducation complète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a pris 13 ans à la Mecque, pour enseigner le tawhid à ses compagnons. Et même après, à Médine, il a continué à enseigner le tawhid par la suite. Donc le tawhid, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas comme ça rapidement. Tu ne peux pas juste dire, je vais prendre un petit livre de 15 pages ou 20 pages, ça y est, je vais apprendre le tawhid. Et en plus, ce n'est pas seulement quelque chose qui s'apprend dans les livres, le tawhid. C'est quelque chose que quand tu l'apprends, il faut l'appliquer dans la réalité aussi. Et donc il faut apprendre à s'éduquer soi-même par rapport au tawhid, pour que lorsque quelque chose qui se produit dans notre vie, ou dans notre entourage, quelque chose qui se produit, de savoir réagir lorsque l'événement ou la situation se produit, de réagir selon les enseignements du tawhid par rapport à ces enseignements, à ces situations-là. Comme par exemple s'il y a un malheur qui arrive, ou bien un décès, un accident. Est-ce qu'on se rappelle de dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ou bien on commence à s'arracher les cheveux, à déchirer nos vêtements, à perdre le contrôle, oublier le qadar, oublier que ça c'est prédestiné. Ça fait partie du tawhid. Et ça, c'est bien beau de l'étudier dans un livre et de le connaître par cœur et de savoir les ayats et les hadiths, mais lorsque l'événement se produit, de l'appliquer et de se rappeler et de réagir selon ce qu'on a appris dans ces versets, dans ces hadiths, et de ne pas laisser nos émotions et nos sentiments nous faire dépasser la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ces situations et ces événements-là. Donc c'est pas juste de savoir, de connaître les notions du tawhid, mais c'est également de savoir comment gérer notre cœur, gérer notre vie selon qu'est-ce qu'on a appris dans ces enseignements-là. Et ça c'est juste un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres encore. Donc le tawhid est un grand sujet, comme le cheikh explique. Et il dit donc ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, il dit yaqulu ta'ala هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح ولا يمكن أن تجتمع هذه الأمة إلا بالعلم النافع والعمل الصالح الذي أساسه التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وليس التوحيد ما يقوله بعض الجهال أو الضلال الذين يقولون التوحيد هو الإفراد بوجود الله هذا هو التوحيد أو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت هذا هذا هو التوحيد يقولون هذا توحيد ولكنه ليس هو التوحيد المطلوب هذا التوحيد الذي يقولونه أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون صاروا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن ولم يدخلهم ذلك في الإسلام حتى أقروا واعترفوا بأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى فأفردوا الله بالعبادة وتركوا عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وعبادة الأشجار والأحجار وأخلصوا العبادة لله حينئذ صاروا مسلمين. Donc le Cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 28 dans sourate Al-Fath, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité. La guidance, hein, le Cheikh il dit, c'est la science bénéfique, c'est la connaissance bénéfique. Et dinul haqq, c'est les bonnes œuvres que tu pratiques. Et donc, il dit que on ne peut pas réunir la Ummah excepté avec la science bénéfique et les bonnes œuvres. Et dont la base est le tawhid, c'est-à-dire d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, que tu n'adores que lui. Et il dit le Cheikh, le tawhid, c'est pas ce que disent certains parmi les ignorants aujourd'hui. Quand tu les entends essayer d'expliquer le tawhid, certains ignorants ou certains égarés, ils disent que le tawhid, c'est de reconnaître l'existence d'Allah. Si tu reconnais l'existence d'Allah qui est un créateur, ça y est, c'est fini, c'est suffisant. Ou bien ils disent que c'est de reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est lui le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, et ils croient que ça c'est le tawhid. Le Cheikh il dit oui, ça c'est le tawhid, c'est une partie du tawhid, mais c'est pas le tawhid qui est demandé par Allah subhanahu wa ta'ala des serviteurs. Puisque même les mushrikoun à l'époque du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils acceptaient et ils reconnaissaient déjà ce tawhid-là. Et ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. C'était pas suffisant pour qu'ils soient considérés comme étant des musulmans. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 25, dans surat Luqman, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ Et si tu leur demandes, à ces mouchrikoun, qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Ils disent Allah. Donc ils croient que Allah c'est le créateur des cieux et de la terre. Et malgré ça, ils ne sont pas musulmans. Et il mentionne le verset 64 dans Surat An-Naml. Et qui commence la création, puis qui la refait? Et qui donne la subsistance à partir des cieux et de la terre? Est-ce qu'il y a une autre divinité avec Allah? Est-ce que quelqu'un d'autre mérite d'être adoré avec Allah? Et il mentionne le verset 31 dans Surat Yunus. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dis au Muhammad, à ces gens, qui donne la subsistance à partir des cieux et de la terre, et qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir la vie de la mort, et qui fait sortir la mort de la vie, et qui gère toute l'affaire. Et ils diront Allah. C'est-à-dire les mushrikoun, à toutes ces questions, ils disent c'est Allah. C'est-à-dire ils reconnaissent que c'est Allah qui crée et qui détient l'ouïe, et qui détient la vue et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant et qui gère tout dans l'univers. Ils le reconnaissent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ Si vous êtes d'accord avec ça et que vous reconnaissez ça, alors n'allez-vous pas utiliser votre raison et réfléchir et abandonner l'adoration de ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne un autre verset qui est le verset 84 et 85 dans Surat Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et dit, à qui appartient la terre et ce qui est dedans, si vous savez. Et ils diront à Allah. Alors, il dit, alors dis-leur, n'allez-vous pas vous souvenir, n'allez-vous pas réfléchir et vous rappeler. Subhanallah. Donc ils reconnaissent qu'Allah c'est le créateur, mais malgré ça, ils continuent à prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah, et ils les adorent en dehors d'Allah. Donc malgré qu'ils acceptent que Allah est le créateur et le pourvoyeur, et que c'est lui seul qui détient ce qui est dans les cieux et dans la terre, et tout ce qui est dedans, ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam, et c'est pas suffisant pour qu'ils soient reconnus comme étant des musulmans, jusqu'à ce qu'ils aient reconnu que l'adoration est un droit exclusif d'Allah, et qu'ils aient unifié et rendu leurs adorations exclusivement pour Allah seul, et qu'ils aient abandonné l'adoration des idoles, ou l'adoration des statues, ou des arbres, ou des roches, ou des pierres, ou de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils aient purifié leur adoration pour qu'elle soit uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala seul, à ce moment-là, ils seront devenus des musulmans. Mais avant ça, non. Et le Cheikh dit, وأما الاقتصار على توحيد الربوبية فليس هذا بتوحيد هذا أقر به أبو جهل رأس الكفر وأقر به أبو لهب وأقر به كل الكفرة أقروا بتوحيد الربوبية أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ولكنهم كانوا يعبدون معه الأصنام اللات والعزة ومنات فصاروا مشركين موحدين توحيد الربوبية مشركين في الألوهية كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Le Cheikh explique, il dit que donc de se limiter à Tawhid al-Rububiyya, tu reconnais l'unicité d'Allah dans le fait qu'il a le contrôle de l'univers et qu'il est le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre et qui fait mourir, ça c'est pas le Tawhid. Ça c'est pas le Tawhid. Même Abu Jahl il croyait en ça. Abu Jahl, l'ennemi de l'islam, l'ennemi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le grand mushrik Abu Jahl, il acceptait ça lui, il croyait en ça. Et Abu Lahab, la même chose. Tous les kuffars acceptent ça. Même aujourd'hui, tu demandes aux juifs et aux chrétiens combien il y a de dieux, ils vont dire il y a un seul dieu unique. Malgré tout, ils adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils font le shirk. Donc, ça, c'est pas ça qui est suffisant de dire qu'il est le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre, qui fait mourir, qui gère tout. C'est pas suffisant. Parce qu'ils adorent des idoles avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils adorent Allah, Al-Uzza, et Manat, et d'autres. Donc ils sont des mushrikoun. Dans Tawhid al-Rububiyya, ils ont accepté le Tawhid à ce sujet-là. Ils croient que c'est Allah seul qui gère. Et il y en a parmi eux qui ont fait le shirk même dans Ar-Rububiyya parfois. Comme les chrétiens et d'autres groupes qui ont commis des exemples de shirk dans Ar-Rububiyya aussi. Mais sinon, en général, ils acceptent tous que Allah est le créateur et le maître. Et ils croient qu'il y a un Dieu suprême au-dessus de tout. Et même les athées aujourd'hui, si vous parlez avec des athées, il y en a qui vont vous dire, oui, je crois qu'il y a une force. Je crois qu'il y a un être suprême, qu'il y a une force qui gère tout. Sauf qu'ils nient les noms et les attributs d'Allah par la suite. Ils ne croient pas qu'il a envoyé des messagers, ils ne croient pas qu'il a fait révéler des livres. Il y a des kuffars, par exemple, certains philosophes, même ici en France, il y en a qui sont connus, les philosophes des Lumières, certains d'entre eux, ils croyaient en un être suprême, ils croyaient en un Dieu qui a tout créé, mais qui fait seulement créer. La seule chose qu'il fait, c'est créer. Il ne fait rien d'autre en dehors de ça. Il n'a pas envoyé des messagers, il n'a pas envoyé des livres, et il n'a pas d'attributs. Un peu comme le Dieu des Jahmiyyah, parmi les gens des Garma, parmi les Jahmiyyah qui nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, on les appelait les déistes. C'est comme des athées en réalité. Mais ils reconnaissent qu'il y a un créateur. Donc l'athéisme, c'est pas juste de nier l'existence de Dieu, mais même si tu reconnais l'existence de Dieu, mais tu nies ses noms et ses attributs, tu deviens un athée quand même. Si tu reconnais pas les noms et les attributs d'Allah. Donc ça, c'est des exemples de certaines formes de shirk que les gens ont fait dans Ar-Rububiyya. Mais le fait de reconnaître l'existence de Dieu, c'est pas suffisant. Puisque si tu fais le shirk dans l'adoration, tu n'es pas encore dans le tawhid. Et la majorité des hommes sur la terre aujourd'hui et avant, hein, la majorité des êtres humains, ils reconnaissent l'existence d'un Dieu. Mais le problème avec eux, c'est pas qu'ils le fait de reconnaître l'existence de Dieu. Le problème avec eux, c'est que malgré leur reconnaissance de l'existence de Dieu, ils prennent entre eux et Allah des intermédiaires et des intercesseurs, et ils adorent des idoles, et ils adorent d'autres que Allah. Hein? Donc le Cheikh il dit, كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Dans le verset 106, dans Surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et la plupart d'entre eux ne croient en Allah subhanahu wa ta'ala qu'en état des mushrikoun. C'est-à-dire, ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala, ils croient que c'est lui le créateur, que c'est lui le maître, celui qui gère tout, mais, hein, mais, ils font du shirk avec lui dans l'adoration. Hein, c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là. ولا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية لا بد من توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة ما سواه كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ما قال أقروا لأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. Vous avez des gens aujourd'hui justement, ils ne comprennent pas ça parmi les groupes. Vous avez des groupes comme Jamaat Tablir, ils vont d'une mosquée à l'autre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux gens, il faut croire que Allah c'est le créateur, le pourvoyeur, le maître de l'univers. Et quand ils se lèvent pour faire le bayan, comme ils font leur bayan dans les mosquées, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que dire aux musulmans par exemple, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, regardez les merveilles qu'il a créées dans l'univers, regardez les belles choses qu'il a créées dans l'univers, hein, pour en fait confirmer et établir la foi en tawhid al-rububiyya. Mais malgré ça, hein, quand il voit des gens dans les pays musulmans qui pratiquent du shirk et qui font le tawaf autour des tombes, ils ne disent rien, ils ne font rien pour que ces choses-là cessent. Hein? Donc ça c'est la preuve que ces gens-là n'ont rien compris. Et la raison de ça, c'est parce qu'ils sont fondés sur une aqidah qui est contraire à la aqidah du tawhid, qui est contraire à la sunnah. Parce que le fondateur même de cette jama'a, hein, qui est Muhammad Elias Al-Kandahlawi, si vous retournez à son histoire, à son historique et à son éducation, vous allez voir qu'il sort d'une des écoles de l'Inde qui s'appelle l'école des Diobandiya. Et ça, c'est une des écoles qui existent en Inde. Et les Diobandiya, ce sont, en grande partie, ce sont des soufiyins. Et dans la Aqidah, ils suivent la Aqidah des Maturidiya, qui nient certains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qui croient uniquement au Tawhid selon la compréhension des gens de Kalam, des philosophes. Donc ils affirment seulement Tawhid al-Rububiyya. Pour eux, Tawhid al-Ibada, ça n'existe pas. Le Tawhid al-Asma al-Sifat, c'est de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils nient les attributs et ils n'affirment pas Tawhid al-Ibada. Et donc quand ils voient des gens faire du shirk en adorant les tombes ou en prenant des intermédiaires entre eux et Allah et en les invoquant en dehors d'Allah, pour eux ça c'est pas du shirk. Ça c'est pas un problème. Hein, c'est juste quelque chose, ils vont dire, ah ça c'est un péché, ou c'est pas correct. Mais ils vont pas dire que c'est shirk akbar, et que ça fait sortir de la foi et de la religion. Et la même chose pour ceux qui suivent la voie des gens de Bid'a par exemple, parmi d'autres groupes et d'autres sectes, hein, comme les Asha'ira par exemple, pour eux, le tawhid qui existe seulement c'est tawhid al-rububiyya. Il n'y a pas de tawhid al-asma al-sifat pour eux, puisqu'ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ils affirment seulement 7. Ou 8 attributs. Les autres, ils les déforment et ils changent leur signification selon leur philosophie ou selon leur raison ou leur logique. Hein? Et ils n'affirment pas Tawhid al-Ibada. Pour eux, ça n'existe pas. Hein? Donc ils prennent des intermédiaires entre eux et Allah et il n'y a pas de problème pour eux. Ça, c'est pas shirk. Et c'est pourquoi ils vont dire ça, c'est pas correct. C'est un péché aussi, contraire à l'islam. Mais c'est pas pour eux quelque chose qui est shirk majeur. Hein, qui fait sortir de l'islam. Donc c'est pour ça que vous voyez que ces gens-là, ils donnent pas d'importance au tawhid, parce que leur aqida, elle est en opposition avec la aqida des salafs. Et vous voyez ça et vous vous demandez, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils disent rien? Comment ça se fait qu'ils font rien? Et la raison pourquoi ils disent rien, et la raison pourquoi ils font rien contre ça, c'est parce qu'ils n'ont pas une aqida qui est basée sur le tawhid. On voit l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il a fait sa da'wah, et on voit l'exemple des sahaba, comment ils ont propagé la da'wah après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis on voit aujourd'hui ces groupes qui prétendent appeler à l'islam et qui prétendent faire la da'wah à l'islam, et comment ils voient du shirk se pratiquer devant leurs deux yeux et qui font rien du tout à ce sujet-là. Hein? Et qui parlent de d'autres sujets et d'autres questions, et qui font des séminaires et des colloques internationaux et des conventions, hein, à travers le monde et dans différents pays, qui parlent de tout ce qu'il faut, regarder tous les sujets sauf de la aqida et du tawhid. Pourquoi? Parce que pour eux le tawhid, c'est réglé. On croit que Dieu existe et qu'il y a un Dieu unique, c'est fini. Après, on n'a plus besoin d'en parler. C'est accepté, donc. Hein, ça y est, ce dossier-là, il est fermé, on le met de côté, on le met dans l'étagère, on n'a plus besoin d'en parler. Maintenant, parlons de l'économie, de politique et des autres sujets. Hein? Ou bien parlons d'akhlaq et des comportements et des choses, parce que, hein, on compare avec l'Occident, ils disent, ah ben, l'Occident, maintenant, ils sont développés et tout, nous, si on veut les rattraper, il faut concentrer sur ça. Ils ne réalisent pas que la base de nos problèmes, c'est pas ça. Et que ça va, nos problèmes vont pas se corriger en essayant de régler ça. Il faut aller à la racine du problème, au cœur du problème, à la base du problème. Une fois qu'on a réglé ça à la base, le reste va se régler tout seul. Hein? Et donc, c'est ça qui est important de comprendre. Donc, pour terminer, donc, le cheikh, il explique, il dit, donc, yani, tawhid al-rububiyya tout seul, c'est pas suffisant. Tawhid al-rububiyya sans tawhid al-uluhiyya, c'est pas suffisant. Et tawhid al-uluhiyya, c'est de faire en sorte que l'adoration soit pour Allah seul. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans surat An-Nahl, on l'a cité tout à l'heure, le verset qui dit, Allah a, il dit, nous avons fait susciter dans chaque nation un messager pour dire aux gens, adorez Allah et écartez-vous du tarot. Et dans le verset 36 dans Surat An-Nisa, adorez Allah et n'associez rien avec lui. Et le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset-là, il n'a pas dit affirmer ou croyez que, affirmer que Allah c'est le seul créateur, le seul pourvoyeur, celui qui fait vivre et qui fait mourir. Parce que ça, ça existe déjà. C'est-à-dire les gens ils croient déjà en ça, ils ont déjà accepté ça. Donc ça sert à rien d'essayer de travailler ou de faire des efforts ou de se concentrer sur quelque chose qui est déjà établi. Hein? Qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qui n'était pas encore établi, c'est quoi? C'est le tawhid dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit walakin hada yakfi, la yakfi. Tawhid ar-rububiyya hada li'annahu mawjoud wa yuqirruna bihi walakin hada la yakfi. فالذين يقولون إن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر هذا هو التوحيد نقول لهم هذا توحيد أبي جهل وأبي لهب أما توحيد المسلمين فهو إفراد الله تعالى بالعبادة وهذا هو توحيد المسلمين الذي ننجي من الذي لا ينجي من عذاب الله إلا هو قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله المشركون كانوا يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر يعترفون أن آلهتهم التي يعبدونها لا تخلق لا ترزق لا تدبر شيئا من الأمر إنما اتخذوها شفعاء ووسائط بينهم وبين الله بزعمهم مع إقرارهم بتوحيد الربوبية لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق يعني كذب يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب لما دعاهم إلى التوحيد إلى توحيد الألوهية وقال تعالى في الآية الأخرى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Donc le cheikh il dit, comme on l'a dit tout à l'heure, et ça vous êtes capable maintenant, je suis certain inchallah de vous en souvenir, et lorsque vous allez parler à vos familles, vos enfants et les gens que vous connaissez parmi vos amis et vos proches, hein, vous êtes capable de leur expliquer la différence entre Tawhid al-Rububiyya et Tawhid al-Uluhiyya et de leur expliquer que Tawhid al-Rububiyya c'est pas suffisant, il faut qu'ils acceptent Tawhid al-Uluhiyya et de leur expliquer que les mouchriquins de la Mecque ils acceptaient Tawhid al-Rububiyya mais leur problème était dans Tawhid al-Rububiyya, dans al-Uluhiyya, barakallahu fikoum. C'est la preuve que le frère il est concentré, hein. Donc barakallahu fik. Donc le cheikh il dit ceux qui disent aujourd'hui que le tawhid, hein, c'est d'accepter ou de croire que Allah c'est le créateur, le pourvoyeur, celui qui fait vivre et qui fait mourir et qui gère tout, que ça c'est le tawhid, on leur dit non, ça c'est le tawhid de Abu Jahl et de Abu Lahab, c'est pas le tawhid qui te fait rentrer dans l'islam. En ce qui concerne le tawhid des musulmans, hein, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ça, c'est le tawhid des musulmans. Et il n'y a pas d'autre tawhid que celui-là qui va te sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, j'ai été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et lorsqu'ils ont dit la ilaha illallah, alors ils ont été protégés, hein, contre moi dans leur bien et dans leur sang et dans leur bien, excepté pour un de ces droits. Et leur jugement appartiendra à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, le cheikh il explique que les mouchtikoun à la Mecque, ils acceptaient, ils croyaient que Allah c'est le créateur. Il croyait qu'Allah c'est celui qui donne la subsistance et qui fait vivre et qui fait mourir et que c'est lui qui gère tout. Et il reconnaissait en même temps que leurs idoles, elles ne créent pas, elles ne peuvent pas créer. C'est-à-dire, quand les mouchriquins à la Mecque, ils adoraient Al-Lat, Wal-Uzza, Wal-Manat et les autres idoles, ils pensaient pas et ils croyaient pas que c'était ces statues-là qui avaient créé le monde. Ils savaient très bien que ces statues-là n'ont rien créé du tout et qu'ils n'ont pas la capacité de créer ou de rien faire dans le monde. Parce qu'ils l'ont fabriqué eux-mêmes avec leurs mains. Donc ils savent. Hein. Ils ont pris ces exemples d'idoles et de statues pour représenter des êtres pieux qui existaient avant et de les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah. Hein. De la même manière que les chrétiens le font avec Jésus aujourd'hui. Hein? Et de la même manière qu'ils le font avec leur saint et avec leurs autres les hommes pieux qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose. Et la même chose pour les hindous aujourd'hui que vous voyez en Inde qui se prosternent et qui adorent toutes sortes d'autres choses en dehors d'Allah. Soit qu'ils adorent des statues d'êtres humains et croient que ce sont des incarnations de Dieu, la même manière que les chrétiens prétendent que Jésus est une incarnation de Dieu, hein, que Dieu est rentré en lui, ou qu'il est devenu un avec lui, eh bien, ils prétendent les hindous la même chose à propos de ces hommes-là, hein, comme Krishna, Vishnu, Rama et tous les autres. Ils pensent que ce sont des incarnations de Dieu. Hein. Et la même chose, donc, pour les statues qu'ils ont d'animaux. Ils croient que Dieu est en tout, en toute chose, et qu'il se manifeste à travers sa création, parce qu'il croit que Dieu est en toutes choses et partout. Comme certains parmi les musulmans, dans certains turcs soufis, qui croient en qu'est-ce qu'on appelle Wahdatul Wujud. Ils croient en l'unicité. Hein? Ils croient qu'il y a juste une existence, et qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Comme un soufi qui s'appelait Ibn Arabi, ou bien Al-Hallaj, ou bien d'autres parmi les égarés. Hein, comme Ibn Sab'in. Et en plus de ça, la majorité des turcs soufis aujourd'hui qui existent, elles sont toutes établies sur la croyance en Wahdatul Wujud, Donc elles croient toutes en cette idée et en cette philosophie de l'unicité de l'existence. Ils disent que si tu vois entre la créature et le créateur une distinction entre les deux, tu vois une distinction, donc tu es un mouchrik. Pour eux, celui qui est sur le tawhid, c'est celui qui ne voit pas de différence entre le créateur et la créature. Et donc pour eux, d'adorer les idoles, ce n'est pas du shirk. Puisque, ils disent, tant que tu sais que c'est Allah qui est manifesté dans cette statue ou dans cet être humain et que tu l'adores, donc tu adores Allah, tu n'es pas un mouchrik. Et c'est pour ça que vous les voyez appelés à l'unité des religions et à l'unification des religions. Tawhid ou l'adhyan, ou taqrib ou l'adhyan, hein, ou al-shiwar bain al-adhyan. Ils appellent à ces choses-là parce que pour eux, toutes ces religions-là sont bonnes. Il n'y a pas de différence entre celui qui adore une vache, ou celui qui adore une statue d'un être humain, ou Isa, ou un autre parmi les créatures. Pour eux, c'est pas grave, puisqu'ils croient en ces idéologies-là qui défendent le shirk. Donc, ils savent très bien que cette statue-là, elle n'a aucun pouvoir et que cette statue, elle ne peut rien créer. Hein? L'un d'entre eux, même à l'époque, un chien est rentré dans leur temple ou dans leur maison où il y avait les statues. Le chien est venu, il a uriné sur les statues. Hein? Quand ils ont vu ça, ils ont dit, subhanallah, on adore cette statue, elle ne peut même pas se protéger elle-même lorsqu'un chien vient uriner dessus. Donc c'est pour montrer, c'est ridicule de les adorer. Hein? Et ça, c'est dans la fitra. Et même lorsque tu rencontres des petits-enfants parmi les hindous et parmi les chrétiens ou autres qui adorent des statues et des idoles, tu leur mentionnes ça et ils commencent à rire. Ils commencent à rire et tu vois leurs parents qui commencent à les disputer parce qu'ils voient que leurs enfants se moquent de leurs idoles. Parce que ça, c'est dans la fitra même, les enfants, ils savent que c'est faux au fond de leur être. Ils savent que c'est pas vrai, mais ils l'acceptent par tradition et par coutume. Et ces choses-là sont inculquées depuis l'enfance. Et ils grandissent avec ça. Et les chrétiens, c'est la même chose. Depuis qu'ils sont tout petits, les enfants, les chrétiens, ils leur rappellent le petit Jésus, hein. Le petit Jésus, il leur rappelle les images, la Trinité, tout ça, c'est inculqué par répétition, par éducation. Ça, les gens, ils commencent à croire que c'est une vérité par la suite. Et lorsque tu rencontres les arguments du Coran et de la Sunna à ce sujet-là, par la suite, tu dis, mais comment j'ai pu être bête, hein? Comment j'ai pu être bête au point de croire qu'un être humain pouvait être Allah, hein? Ou bien que, hein, il pouvait être 3 en 1, ou des choses de ce genre. Mais les chrétiens ne réalisent pas ça parce qu'ils ont été formés, hein, et programmés à croire ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il faut concentrer votre da'wah. Si jamais vous parlez avec des gens comme ça, leur expliquer le tawhid et leur donner les arguments, et vous allez voir que ça va faire chez eux une grande réaction. Et ils vont être étonnés même parfois d'entendre ces choses-là. Donc, ils savent très bien que ces idoles, ce n'est pas elles qui les ont créées ou qui ont créé quoi que ce soit des cieux et de la terre. Ils savent qu'elles ne gèrent rien, qu'elles ne peuvent pas faire vivre ou faire mourir. Mais le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils ont pris ces êtres-là et ces statues et ces idoles comme des intermédiaires entre eux et Allah, et des intercesseurs entre eux et Allah, selon ce qu'ils prétendent, tout en reconnaissant le fait que Allah, il est le Rab, et en acceptant Tawhid al-Rububiyya. Et à Paris, j'ai rencontré un frère qui était d'une famille hindoue et qui a accepté l'islam. Et quand il a accepté l'islam, il nous a dit, hein, nous, c'est exactement comme c'est mentionné dans le Coran, on prenait ces statues et ces idoles comme des intermédiaires entre nous et Allah. Et on pensait qu'ils nous rapprochaient d'Allah. Donc c'est de cette façon-là qu'on croyait. Puis quand il a entendu le tawhid, il a accepté l'islam, il s'est converti. Hein? Donc c'est ça. Et il mentionne, pour terminer, on va finir avec ça, le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran la réaction du mushrikoun lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de dire la ilaha illallah. Ils ont dit, est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités, de tout ce qu'on adore, il en a fait une seule divinité, hein, pour qu'on adore Allah seul? Inna hada la shay'un ujab. C'est une chose étonnante. Et les notables d'entre eux, hein, ils sont partis et ils ont dit aux gens, hein, soyez endurants sur l'idolâtrie et sur vos idoles. Restez persévérants dans l'idolâtrie et dans vos idoles. Hein, écoutez pas, en voulant dire, écoutez pas le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui vous appelle au tawhid. Restez sur l'idolâtrie, restez sur vos idoles. Ça, c'est quelque chose qui est voulu pour vous. Hein, et il disait, les mushrikoun, on n'a jamais entendu parler de ça dans les anciennes religions. Hein, ça, c'est quelque chose qui est un mensonge. Donc, ils accusaient le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de mentir lorsqu'il les a appelés au tawhid, al-uluhiyya, le tawhid dans l'adoration. Et dans l'autre verset, hein, 35 à 37, dans surat As-Safat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, lorsqu'on leur disait, la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ils s'enflaient d'orgueil. Et ils disaient, est-ce que nous allons abandonner nos idoles et nos divinités pour un poète fou? Hein? Certes, la vérité leur est venue, certes, la vérité est venue, et les messagers ont dit la vérité. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour cette partie, et Inch'Allah, après la prière de Zohor, on va compléter la dernière partie de cette conférence, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته